Chapitre 11. Voyage en Scandinavie. En partance pour la Finlande, Klaus a tenu à faire une halte dans une boîte un peu spéciale à Copenhague. Quand, sur la scène, une fille s'est mise à se masturber, tandis qu'une autre passait dans les rangs pour caresser des messieurs ventripotents, je me suis levée et j'ai fui. Klaus m'a vite rejoint dehors, où je vomissais sur le trottoir. À Helsinki, nous retrouvons Wolf et Angelica, arrivés il y a quelques jours. Les deux lascars ne se sont pas encore séparés. La nouvelle grosse cylindrée de ce gosse de riche, son appareil photo sophistiqué, son portefeuille bien garni, pèsent apparemment plus que la dignité de la demoiselle. Tous les deux s'esclavent à la vue de la nouvelle automobile de Klaus. La 4L avait des taches de rouille, explique ce dernier avec gravité. Elle faisait des bruits inquiétants. J'ai acheté une NSU, un produit bien de chez nous. C'est du costaud. Mais pourquoi avoir emmailloté le bas de ta bagnole avec du polystyrène et des fils de fer? Pour éviter les projections de cailloux, pardi. Le concierge de l'école des beaux-arts m'a donné un sérieux coup de main. La Finlande n'est pas un pays sous-développé quand même. Elle dispose d'un réseau de routes tout à fait normal. Clotilde aime sortir des sentiers battus. Je souris. Ce n'est pas moi qui les égratignures dérangerai. Dans le restaurant où nous déjeunons, je me dis, une fois de plus, que Klaus dispose un peu allègrement de mes économies pour ses propres besoins. Non seulement il a changé deux fois de véhicule à mes frais, mais il lui faut très souvent du matériel coûteux, d'excellente qualité, toujours au nom d'une noble cause à servir, l'art. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous. Tel est son refrain. J'ai tiqué assez méchamment le jour où il m'a reproché de donner une modique contribution mensuelle à mes parents chez qui j'habitais. Dans le milieu ouvrier, lui ai-je expliqué, on trouve normal qu'un enfant salarié aide ses parents dès lors qu'il vit sous leur toit. Depuis quelque temps, il se fâche aussi parce que j'achète des collants qui filent tout de suite. Il m'accuse de gaspillage. Quel rat! Pour mes besoins à moi, tout est toujours trop cher. Nous quittons Helsinki en longeant la mer Baltique, puis bifurquons vers le nord en longeant la frontière russe, que nous ne pouvons évidemment pas franchir. Et dire que Leningrad est tout près. Des pins, des épicéas, des bouleaux à l'infini, parfois des ormes et des érables, des étangs, des mares et des marais, des eaux vives, des lacs, et encore des lacs, avec une multitude d'îles et d'îlots. En ce mois de juillet très chaud, le balai infernal et agressif des moustiques, des thans, des moucherons mordeurs gâtent les balades en forêt malgré les répulsifs et les précautions vestimentaires. De toute manière, nous ne nous aventurons pas loin, par peur des ours bruns, des loups et des lynx. La nuit, les rivières glissent doucement sous les nuages incandescents, avec sur les berges l'ombre légère de patients pêcheurs. Le sommeil se fait de plus en plus court, léger et étrange, au fur et à mesure que la nuit nordique reste plus longtemps en veilleuse. Un sauna dans une cabane en rondin au bord d'un lac, l'odeur des rameaux de bouleau avec lesquels on se flagelle et le plongeon dans l'eau glacée sont un délice. On s'arrête au cercle polaire comme il se doit. La peau de renne achetée dans une boutique de souvenirs ne tarde pas à perdre ses poils. Des êtres humains différents apparaissent, les lapons avec leurs costumes bizarres. Des hordes de caribous traversent la toundra qui s'étend à perte de vue vers un moutonnement de douces collines, souvent moussues et semées parfois de fleurs. D'autres broutent tranquillement des lichens ou des feuilles de bouleau au bord de la route. Nous laissons bientôt derrière nous les prunelles des lacs, bleues le matin, flamboyantes à l'heure vespérale. La chaleur humide, bruissante de moustiques vibrillonnant à l'infini dans la sombre parure de ce pays plat, fait place à une fraîcheur de l'air de plus en plus prégnante. Pas de dispute, une belle concorde entre nous qui vivons frugalement et nous nourrissons de cette beauté sauvage, épurée, apaisante. Un soir, nous arrivons au Cap Nord, en Norvège. En lutte contre le vent, nous frissonnons devant l'indéchiffrable métaphore des reflets métalliques de la mer de Barents, inhospitalière et glacée au pied de falaises majestueuses. Au loin, très loin, dans cette solitude infinie et grise, un navire croisant vers l'est, Kirkens ou Mourmansk, semble faire du surplace. Le ciel se voile assez vite et les touristes, un peu déçus de ne pouvoir faire de photos du soleil de minuit, si célèbre en ces lieux, s'égaille vers les petites localités avoisinantes. Nous partons vers Hammerfest. Ne trouvant pas le sommeil, je m'assieds sur une pierre près de la voiture et j'écris. Il y a quelque part, assez haut vers le nord, une ville propre, aérée, où il fait sûrement bon vivre. Pas une ville touristique, plutôt une espèce de gros bourg à l'écart de la route, dont je n'ai pas retenu le nom. Le soleil matinal y baigne les rues larges et s'étale sans façon sur les façades. On y vend des objets de verre. Les magasins en regorgent. Du verre blanc et du verre de toutes les couleurs. Du verre poli et du verre bullé. Les formes peuvent être simples, mais aussi baroques. Je revois la main fine de Klaus empoigner délicatement les vases froids et soupeser leur beauté. Mes doigts aussi glissent sur les surfaces lisses, accrochent au relief. Éclat de l'azur nordique transfigurant l'objet humain. Dans cette ville, non loin du cercle polaire, il y a une grande place pavée, blanche sous le soleil de juillet. Sur cette place vide, un couple marche en donnant la main à une petite fille de 5 ou 6 ans. Apparition aérienne de 3 figures, magnifiquement accordées, comme sorties d'un livre d'images, se déplaçant d'un pas sûr avec leur ombre. Malgré l'éloignement, je vois leur chevelure de jais, leur teint net d'enluminure, la douceur de leurs traits. Dans sa longue robe moulante, bordée de généreux volants, la femme a un gracieux déhanchement de danseuse espagnole. La taille de l'homme est bien prise dans un gilet et un pantalon noir, étroitement ajusté. La petite fille, c'est la mère en miniature. D'où viennent-ils? Sont-ce des tziganes, des étrangers, de passage dans ce gros bourg perdu au milieu des lacs et des forêts? Ils semblent pourtant bien être d'ici, peut-être venus d'une lointaine campagne, étrangement accoutrés pour quelque affaire en ville. Ils disparaissent très vite au coin d'une rue. Je ne dis rien à mon compagnon de mon éblouissement et garde pour moi cette vision de la beauté humaine, réelle et pourtant si énigmatique. La nuit a été un peu frisquette. Le réchaud n'a plus de gaz, si bien que nous nous contentons de lait froid. Klaus, en voulant mettre une nouvelle pellicule dans son appareil photo, fait une fausse manœuvre et abîme celle qu'il en retire. Effondré, il est au bord des larmes. Voilà une bien mauvaise journée qui commence. Nous finissons par prendre la route, Wolf et Angelica en tête. Très vite, leur grosse voiture disparaît derrière un virage. Klaus roule doucement, très doucement, pour faire corps avec le paysage somptueux et parce que la route sinue sur un petit promontoire rocheux. En contrebas, quelques maisons colorées et un troupeau de rennes sur une pâture. Dans l'habitacle, un zézaiement. Une guêpe, peut-être? Enfin, une bestiole pas très sympathique. J'essaye vainement de la tuer avec ma chaussure. « Laisse, je m'en occupe. Ouvre ta fenêtre, » dit Klaus en passant son bras devant moi pour chasser la bestiole. Il secoue la tête en homme sûr de lui. Tout bascule, roule et roule en ces quelques secondes au cours desquelles je n'ai qu'une seule et unique pensée. « Ah, la belle voiture! Mon Dieu, la belle voiture !» Je me retrouve dehors, hébété. J'ai dû détacher ma ceinture machinalement et m'extraire par le pare-brise dont les éclats brillent sur les cailloux. La voiture gît sur son capot. Klaus n'est pas au dehors. Il est resté attaché, la tête en bas et les jambes en l'air. Alors que je réussis à le sortir de là, indemne, j'aperçois à quelques mètres de là une Laponne qui nous regarde, un torchon à la main. Elle ne s'approche pas, ne demande rien. Quelle gourde celle-là! Des rennes à proximité semblent nous narguer, avec le sentiment d'être abandonnés dans un désert de verdure et de grisailles glacées. Nous contemplons sans un mot le châssis défoncé. Les roues tordues et les langes de polystyrène qui pendouillent tristement. Sur la route, 5 ou 6 mètres plus haut, des voitures passent mais ne s'arrêtent pas. Bientôt pourtant la police arrive, ainsi que Wolf et Angelica qui ont rebroussé chemin. Un constat de la situation est fait par un policier aimable, si navré pour nous qu'il propose de nous héberger chez lui à Hammerfest jusqu'à ce que notre situation soit réglée avec l'assurance qui rapatriera le véhicule en Allemagne. Pour la première fois, je pénètre dans un intérieur norvégien, impeccable et confortable. Nous sommes accueillis chaleureusement, en allemand et en anglais, par l'épouse du policier. son fils, Chris, et sa jeune femme, Bente, enceinte de 5 mois. Le soir, pendant le dîner, Wolf ne quitte pas des yeux la jeune femme, effectivement très jolie. Si bien qu'Angelica adresse à son chéri une remarque acide qui jette un froid certain, dont le mérite est de clore instantanément ce jeu de la séduction indécent. On évoque le soleil de minuit, les 2 heures de jour au cœur de l'hiver, la sinécure que représente ici la tâche d'un policier. Les vols ne sont commis que par des étrangers, les autochtones ne verrouillent pas leurs portes, les crimes sont rarissimes. Le lendemain matin, très tôt, lors d'une virée assez lointaine en mer avec Chris, nous récoltons en quelques minutes 2 grands seaux d'énormes poissons. Une scène évoquant la pêche miraculeuse du Nouveau Testament. Malheureusement, cuit seulement à l'eau sans assaisonnement, je les trouve fort insipides. L'après-midi, visite de Hammerfest, une petite bourgade reconstruite entièrement après sa destruction pendant la Seconde Guerre mondiale. Couleurs vives très souvent, rigueur des lignes, beauté mais ennui aussi sous un ciel immaculé de cartes postales. Une question me taraude. Lors de l'accident, pourquoi n'ai-je pensé qu'à la voiture ? Donc à un bien uniquement matériel. Meurt-on aussi stupidement qu'on a pu vivre? Il me faudra creuser cette pensée à fond. Le retour pour l'Allemagne se fait sur l'un de ces navires côtiers norvégiens assurant la desserte d'une 30aine de ports de Bergen à Kirkenes, à la frontière russe. Pour nous, il s'agit d'une véritable croisière de 5 jours depuis Hammerfest, où nous nous séparons avec une certaine émotion de nos hôtes norvégiens. Chris et Bente envisagent un séjour d'études à Berlin, donc on espère bien se revoir un jour ou l'autre. C'est aussi un peu tristement que Wolf et Angelica nous font leurs adieux, car ils ne peuvent ni nous ramener ni prendre nos affaires dans leur voiture déjà surchargée. Je passe mes journées sur le pont, dans la contemplation de la côte ciselée par l'eau, les glaces, le vent et le temps. Les îles Lofoten, entrevues au loin derrière de lourds nuages très sombres, me laissent rêveuse. Comme s'ils dissimulaient un trésor quasi inaccessible. Des bateaux, de petites églises en bois au pied des montagnes, de jolies maisons aux couleurs vives se mirant dans l'eau animent le paysage grandiose, rutilance, pureté. Une clarté intense et beaucoup de douceur dans l'air, des nuées d'oiseaux dans le ciel. Je discute parfois avec un Français entre 2 âges auquel Klaus fait mauvaise figure. Mais que t'a-t-il donc fait ? Il est poli, aimable, instruit. Tu es jaloux? On dirait que c'est moi que tu détestes à travers ce français. Je ne comprends pas ce qui t'agite. Profite donc du moment présent. Je constate seulement que tu passes plus de temps avec lui qu'avec moi. Dans la salle à manger, la gloutonnerie d'un pasteur, visiblement agacé par le tangage du bateau, m'amuse beaucoup. Je ne suis pas fâchée quand je vois le regard de Klaus s'attarder sur les femmes, pour la plupart splendides mais nullement sophistiquées. L'escale à Bergen, avant notre départ en train pour Oslo, puis pour Bukeburg, est gâtée par une petite pluie, mais il paraît qu'il pleut presque toujours. Et puis qu'importe, les vacances sont finies.